comme une histoire en noir et blanc, souvenir d'une vieille époque où Belkap et d'épée, la bien prénommée égalité, nous flattait de son ego et nous contait chaque soir les histoires de princesses et dragons effarouchés qui nous sauvaient des dictateurs socialistes. Et moi-même, j'étais là, j'ai tout vu, je n'ai rien fait. Le monde a bien changé quand nos aînés l'ont fabriqué. Et voyez ces gens-là qui se marrent dans nos destins. Et voyez ces gens-là ne connaissant pas le prix du pain. Et voyez ces gens-là qui chiffrent le peuple, qui font de l'égalité une belle caricature, une belle caricature. On nous parle de clandestins, d'immigrés mal voilés que l'on renvoie à 320, bâtis de nos mains en écrivant de nouvelles lois ou jeux de rois incandescents. On nous prend pour des cons, j'ai bien honte de le dire. Quand d'autres nations gouvernent l'arrogance, l'insolence, on nous comprend, on a vu du caviar des belles putes en buvant à la santé de la pauvreté de nos Français. Et voyez ces gens-là qui se marrent dans nos destins. Et voyez ces gens-là ne connaissant pas le prix du pain. Et voyez ces gens-là qui chiffrent le peuple, qui font de l'égalité une belle caricature. Et voyez ces gens-là qui se marrent dans nos destins. Et voyez ces gens-là ne connaissant pas le prix du pain. Et voyez ces gens-là qui chiffrent le peuple, qui font de l'égalité une belle caricature, une belle caricature, une belle caricature. Et voyez ces gens-là qui se marrent dans nos destins. Et voyez ces gens-là ne connaissant pas le prix du pain. Et voyez ces gens-là qui chiffrent le peuple, qui font de l'égalité une belle caricature, une belle caricature.